très difficile à gérer les temps de parole, puis aussi la qualité de l'image est moins bonne. Fait que c'est pour ça qu'on va rester 5 ce soir. On est le podcast de l'édition 8 juillet 2013. On commence ça dans 5 secondes. Salut Zachro, c'est le Big Ben. C'est Antithèse. Rétro Gamer PQ. Et Tester Alpha. Pour le podcast des Acros, nous sommes l'édition du 8 juillet 2013. Salut tout le monde, comment ça va? Ça va. Génial. C'est chaud. Il fait chaud? Oui. Ça, c'est vrai. Oui. Je peux pas partir de l'air climatisé parce qu'on est en plein podcast. On va faire un bruit. Ah, pauvre toi. On va faire un ventilateur chez Rossi, c'est tout. Il va faire plus de bruit que mon air climatisé. Achète-toi une petite fan au Dolorama, là. Ouais, en main, là. Un truc qui marche pas, là. Elle est 3 piastres pour moi, puis il marche pas. C'est, ouais, c'est ça bat pas l'air climatisé. À quoi vous jouez de bon, cet ancêtre? Récemment, écoute, moi je continue mon trip de Zelda et de Project Crowzone. Project Crowzone, c'est un jeu long, quand même qui demande une certaine stratégie plus que je pensais. Je fais toujours des belles découvertes avec ce jeu-là. Je pense qu'il m'a pris ton conseil de la semaine passée, Ben. Lequel? Je conseillerais d'en faire peut-être une critique. Je verrai. Sinon, écoute, moi, je m'amuse avec Trinity. On joue tous les deux, même si c'est un jeu qui joue juste à 1. À Mario Papier, la porte de Milan. Oh, sur GameCube. Qu'est-ce que j'ai dit? La porte de Milan? Oh, colique. Excuse-moi, c'est un jeu que j'aimerais avoir, je m'excuse. Non, mais je voulais dire Paper Mario sur Wii. Ah, ok. Better the Near Door, j'aimerais beaucoup l'avoir. Non, j'allais chez nous, mais je te le donne pas. Non, tu peux le garder. Parce que, entre gamer et entre collectionneur, je peux très bien te comprendre. Et oui. Et toi, Rétro? Je me mets à jour dans mes jeux de Dragon Quest, plus particulièrement Dragon Quest 7 pour la PlayStation 1. Ensuite, Dragon Quest Rocket Slime sur le DS. Ensuite, Dragon Quest Monsters Caravan Heart sur le Game Boy Advance. Et quelques jeux indie là, comme Knights of Pen and Paper et puis It'll Do et des choses comme ça. Là. Et toi, Tester, de ton côté, je vois que tu travailles fort aussi sur tes ventes et recherche de jeux. Ah oui, je suis pas mal occupé, mais côté jeu, là, dans le fond, j'essaie tant bien que mal de finir Earthbound. Sinon, je teste des jeux de marbre. Là, c'est assez. Ça prend pas mal de temps, sérieux. Oui, parce que c'est très très difficile de jouer des jeux de marbre. On peut tout vous le dire. Parce qu'on veut le finir. Ben non, c'est pas si dur. C'est juste chiant. Oui, c'est vraiment chiant. Ouais, ça dépend des jeux. Là. Il y en a qui sont réellement difficiles. Là. Et c'est souvent pas pour les bonnes raisons. Non. mon côté, ben, je me suis tapé une game de... Ben, je continue ma game de Alan Wake sur PC. Je capote. Là. Je trouve que c'est un excellent jeu. Sinon, je continue avec Cave Story Plus encore. C'est la deuxième fois que je joue le jeu. Je tripe vraiment ce jeu-là. T'as eu quelle fin? Hein? T'as eu quelle fin la première fois? La mauvaise. Non, c'est la mauvaise, c'est comme la plus facile à avoir. C'est la plus facile, oui, c'est ça. J'ai comme... Je me suis pas farci le cul, finalement, tu sais. La mauvaise, c'est l'écran Game Over. Bon, mais celle-là, tu peux l'avoir au début. Je dirais que tu préférais avoir l'écran Game Over que la mauvaise fin dans Cave Story Plus. C'est à ce point déprimant. Tout à fait. Sinon, à part ça, ben, j'ai recommencé une game de Plants vs. Zombies. J'ai comme hâte de jouer aux deux, là. J'ai hâte de me lancer là-dedans, finalement. Et ben aussi, je me suis préparé pour le podcast de ce soir, parce que c'est un podcast qui est quand même chargé. Je veux pas. C'est un, ah oui. On se dédie entièrement sur une console. Mais on va prendre le temps quand même de... J'ai quand même une nouvelle que j'avais envie de vous jaser parce que j'ai trouvé ça stupide. J'en avais parlé sur le Facebook. Hein? Raconte-la pareil. Je vais vous la compter parce que c'est à peu près la seule nouvelle que je trouve comme con. C'est vraiment con. Il y a eu la réunion des actionnaires de Nintendo. Ah oui, oui! Une question qu'ils ont posée, Pourquoi que la bouffe de la cafétéria est mauvaise? C'est pas la question qu'on posait. Non, mais c'est ça, des actionnaires, ça n'a aucune idée sur quoi ça se met de l'argent. Puis ça, ils savent pas. Ça fait qu'ils pensent que c'est la cafétéria, ils pensent que Nintendo, c'est un food distributeur. Tu sais, je suis comme. Mais ça, moi, là, je verrais un papier avec les. Tu sais, quand je fais partie quand même des conseils d'administration, je sais c'est quoi, tu sais. Fait que je regarde normalement l'état financier, je vous compare avec celui de l'année passée, ou même ceux des années d'avant, puis je peux voir un peu c'est quoi la différence. Tu sais, comme là, je pourrais voir que la Wii U a la misère, tu sais. Je pourrais dire, écoute, il y a un problème avec la Wii U. En ce moment, je vois que y a beaucoup de moins de jeux, on a perdu des partenariats, tu sais. Ça aurait pu être des questions qu'il aurait pu poser plutôt que de me dire pourquoi que la bouffe de la cafétéria coûte la merde. Oh, c'est con. Sérieux, là, je suis comme... Non, ça déprime. Ça déprime, ouais. Ça. On se demande pourquoi Nintendo, ils sont comme... Parce que les dirigeants et les actionnaires, ils savent pas quoi qu'ils font. Ben, tu sais, quand c'est rendu que le seul enjeu de ta compagnie, c'est la bouffe de la cafétéria, à la limite, tu peux te dire que ça va bien. Tu sais, regarde, ils cherchent des bébites, là, maintenant. Là. C'est comme, ça va tellement bien que, bon, on va trouver un problème. Ouais, c'est ça. Là. J'ai pas aimé mon dog. Je veux chialer. J'aurais mis plus de wasabi dans mon sushi. Comment ça se fait que ça goûte pas le porc? Sans que ça goûte les œufs. Ben, c'est n'importe quoi. Sérieusement, là, ça en est déprimant. Fait que, ben, on va se lancer tout de suite dans les commentaires des gens. Je vois que le monde est très actif ce soir. Quand même. Très actif. Tout à fait. On a des Bissaillons Forêt qui dit que Paper Mario sur GameCube est le meilleur de la série. Merci de me le rappeler. écoute, j'ai joué un petit peu. J'ai pas fini celui-là. Chez Mommy, je devrais m'y mettre, mais j'ai tellement de jeux à finir que je suis comme... Puis à chaque fois que je rentre dans un magasin, il est comme « Oh, il y a un jeu là! Je le veux! » Oui, parce qu'il peut effectivement disparaître du jour au lendemain. C'est encore très drôle. Tout à fait. Je ne sais jamais. Ou comme quand tu rentres chez Tester Alpha, tu vois Starbound, tu sais que tu la verras peut-être plus jamais. C'est ça. Pour Tester Alpha, bien sûr. Sauf Tester Alpha qui va le garder précieusement. À moins qu'il nous invite. Ah, ça, on verra. Un jour. Party chez Tester! Wouh! On l'a déjà collé un open house chez Giz, fait que. On va aller foutre le bordel chez vous. Ah oui, c'est vrai, hein. Bon. Le punchline, c'est qu'il fout le bordel tout seul, fait que. Le bordel est déjà fait. Ah, j'ai foutu le bordel à vous. Je te rappelle qu'au nombre de fois que Lambda tue Beta, ça doit être pas mal assez rouge le plancher. Ouais. Y a-tu d'autres commentaires aussi, PL? Écoute, de la même sympathique personne, Dave Bissagnon Forêt, un compliment envers Rétro. L'animation de Megaman et Mario était très réussie, effectivement. Merci. Faut expliquer rapidement, c'est qu'on est en train de l'envoyer des éloges à Retro Gamer PQ tantôt. Fait que disant comme quoi que ses vidéos sont très bonnes. Et c'est vrai, ses vidéos sont très bonnes. Elles sont disponibles sur accrodesjeux.com. Shameless plug. Wouhou! Hashtag shameless plug for the win. Sinon, à part ça, Jasmin Roy qui dit salut Big Ben. Salut Jasmin. Regarde qui dit juste salut à toi. Regarde, le mot Wolf qui dit bonsoir les accros. Demande un recomptage. Tout à fait. Sinon, à part ça, qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi qui se dit rapidement? En fait, je peux me faire un petit retour. Oui. Là, je lis de Giz aussi et de M. Dave Bissaillon Forêt encore qui disent. Que la barre est haute. Quelle barre, s'il vous plaît, les gars? Parce que. Est-ce qu'on parle de la barre avec. La Nintendo? Est-ce qu'on parle de Paper Mario? Est-ce qu'on parle de quelle barre, s'il vous plaît? Mm-hmm. Fait que, ben, on va commencer le show. Oui. On va commencer à jaser une athlète. Bonne vieille NES. Je vais laisser Retro. Parce que Retro est un homme très, très enrichi côté. Connaisseur de console. Alors, je te laisse parler de l'histoire de la NES, mon cher Retro. Tu veux que je parle de l'histoire de la NES? Oui. D'où ça vient la vieille, notre bonne vieille NES? Écoute, Nintendo, là, ça a commencé au Japon avec la Famicom. Et puis, ici, ben, on avait Atari 2600 qui était en déclin. Et Nintendo, ils voulaient produire des jeux en Amérique. Et puis, ils ont approché Atari pour faire une console conjointement pour amener les jeux du Japon. Et Atari a refusé. Donc, Atari s'est privé de finalement le renouvellement du jeu vidéo totalement. Et puis, ben, Nintendo a dit, ben, tant pis, on va faire notre propre console. Et puis, ben, la Nintendo est née. On parle de cette bonne vieille grosse boîte grise. Et pourquoi, pourquoi ils ont fait cette boîte grise-là? Eh bien, c'est bien simple. Ils voulaient que ça ressemble à un VHS parce que ça fitait avec ce que les mondes avaient dans leur salon. Puis, c'était plus facile d'approche pour le public général. Et ça l'a fonctionné. Tout à fait. On regarde, on regarde comparativement à l'autre console qui est sortie à l'époque, qui est la Sega Master System. Ouais, qui était uploader puis qui était associé aux vieilles consoles comme Atari puis des choses comme ça. Puis c'est pour ça que ça marchait pas bien ici. Mm-hmm. Plus des plein de petites choses, moi. Probablement qu'on va en jaser un prochain podcast. Mais faut dire que cette vieille Nintendo-là a gagné le cœur d'à peu près tous les geeks possibles. Eh oui. Faut se le dire. Ouais. On va commencer avec les questions du public parce qu'on a eu une question auparavant d'un. C'est un fan qui nous l'a proposé ce sujet-là ce soir. Son nom s'appelle David Plourde. Puis il m'a demandé comme question il se demandait c'était quoi la différence si on voit sur une NES, il est écrit NES 001. Il se demandait pourquoi que ça s'appelait de même. Numéro de la pièce. C'est le numéro de la pièce? Ouais. Que je pense moi aussi. NES 002 étant le AC Adapter et NES 003 étant le ARF Switch. Super. Il nous demande également qu'est-ce que ça fait si on met un jeu d'une NES européenne dans une NES américaine. Ça marche pas. Ça va flasher. Ça va flasher. Normalement, il faut que tu ailles soit un Game Genie ou un adapteur, mais je te dirais de vouloir chercher un Game Genie, tu es capable normalement de les faire marcher, mais ça marche de temps en temps. Et je dis bien de temps en temps. Et c'est le format PAL pour vous. Eh oui, pour nos chers amis français. Mon pote. Mon ami. Je vais commencer avec Tester Alpha. Oui. Parle-moi de ton historique avec cette console-là. Moi, j'avais 2 ans. Quand mes parents m'ont acheté ma NES et l'épreuve à la pluie, ils m'ont filmé. Quand j'avais 2 ans, je jouais à Mario 3 sur la NES. Déjà, ils m'avaient gagné. Là. J'étais totalement absorbé par la NES. Puis les années d'après, j'ai pas eu la Super NES. Puis j'ai pas eu la Nintendo 64. Fait que je suis resté longtemps avec ma NES. Donc, j'ai littéralement grandi avec cette console-là. Fait que là, ben. J'ai un parti pris pour la console. Ça, c'est officiel. Donc, pour toi, c'est ta console préférée. Ah oui. Testeur de rétro-excuse, de ton côté, à toi, c'est quoi ton historique avec cette console-là? Écoute, moi, j'ai acheté la Nintendo l'année de sa sortie, je crois, avec mon argent de poche de Camelot. Et puis, ouais, j'étais assez content d'avoir dépensé toutes mes économies de 10 mois pour m'acheter la Nintendo. J'avais tout mis ça de côté. Puis j'étais allé aux distributions consommateurs. Oh! Ça ne rajeunit pas, ça, hein? Pas tout. Tester Alpha doit pas savoir c'est quoi. Non, je l'ignore totalement. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi la distribution aux consommateurs, ben, c'était un magasin entrepôt. Tu avais seulement genre un genre de comptoir où il y avait quatre petites affaires. Puis tu avais des catalogues un peu partout. Puis là, tu faisais un bon de commande avec le numéro de l'article. Puis là, il allait te le chercher dans le... En arrière, dans le backstore. Le magasin était tout petit, mais l'entrepôt en arrière, c'était immense. C'est ça. Quand tu glissais à checker dans la porte, là, tu voyais qu'il y avait des allées à tour de bras. Ouais, exactement. Et oui. Et Antithèse, de ton côté? Sur l'historique de Nintendo, ben écoute, dans mon cas, c'était un cadeau. Cadeau de la part de mon papa à mes 8 ans. Donc en 1988. Oui, je suis vieux, je le sais, je l'assume. Sans problème, moi j'avais la Nintendo spéciale, ben spéciale, le bundle avec Duck Hunt puis Super Mario Bros. Donc j'avais le Zapper. Ok, ça c'est le deuxième modèle, je pense. C'est le deuxième modèle, c'est mm-hmm. ça. C'est ça, le second bundle. Mm-hmm. Essentiellement. C'est quand même une console qui m'est chère pour l'événement qui était avec oui. Ça t'a marqué. Ben oui, c'est sûr. De mon côté, moi, j'ai eu la NES en 88-89, et c'était le cadeau de mon père qui donnait à mon frère. Et okay. Mon frère se foutait un peu de la NES, fait que j'en ai comme irrité comme ça. Par la force des choses, fait que je me suis mis vraiment à jouer à Mario Bros. J'avais comme 3-4 ans. Et je venais de plus en plus bon. J'étais capable de rivaliser avec ma mère. Puis elle était très bonne à Mario Bros aussi, selon ses yeux. Sérieusement, là, je joue encore avec ma mère, puis ma mère, elle me plante à des endroits que moi, je suis comme... T'es pourri, Ben. Je me fais battre par ma mère. Pourri. T'es une honte pour la communauté non. gaming. Non, je la plante ailleurs, par exemple. Mais... À l'époque, c'était quelque chose, c'était une passion pour moi et ma mère de jouer à ce jeu-là. Puis de voir mon frère qui fait comme oh fuck la NES, moi je vais jouer avec mon petit auto-téléguidé. Puis qui comme son char planté après 2 jours parce qu'il n'y avait plus de batterie ou rien. Uh-huh. C'est quoi votre premier souvenir de. On parlait d'abord de la console. Excusez-moi, je vais commencer avec la console en tant que telle. Qu'est-ce que vous aimez de cette boîte-là? Qu'est-ce que vous aimez de cette grosse boîte-là? Le design. Ce qu'on aime de la Nintendo? Oui, de la Nintendo. Moi, j'ai une réponse. Les cassettes. Ah oui, c'est clair. J'aime tellement ça de la façon... ceux qui n'ont pas connu ça, ils peuvent bien dire c'est laid, c'est pas beau, mais... Non, moi, je suis vraiment pas d'accord. C'était la meilleure époque des cassettes. Pourquoi? Parce que la cassette est assez grosse de sorte que il y a beaucoup de place pour un dessin. Fait que quand on allait louer nos jeux vidéo au club vidéo du coin, ben on prenait la cassette puis on regardait le dessin puis là on était oh wow, c'est donc bien un dessin ça. Puis là on le ramenait à la maison, là tu le rentrais dans la NES, là fallait que tu souffles un peu dedans évidemment, mais tu sais la cassette là moi j'ai trouvé vraiment tripante. Les manettes de mon côté. Pourquoi les manettes? Sincèrement, c'est ça les manettes, parce que c'est comme que tu pars de l'Atari, que c'est comme ça, c'est comme un petit joystick que tu joues aux arcades. Là, tu te retrouves avec quelque chose qui, oui, il est plate, mais tu sais, t'as deux boutons pour jouer, deux autres boutons pour sélectionner ou le start, dans le fond, et les 4 boutons pour diriger ton passage de façon plus ergonomique. Ces gens-là, quand tu as mon âge et que tu es aujourd'hui avec Couton, waouh! T'as 8 ans, tu vois ça, l'évolution, toi, hey, let's go party, hey, buddy. C'est clair. toi, Rétro, on a pas. Toi, t'as dit que c'était le design. Ouais, mais le design de la boîte, moi, elle me fait triper, là. Sérieux, là, c'est beau dans un petite affaire-là. il est comme genre sur la tablette au-dessus de mon Xbox 360, là. Puis quand tu rentres, puis tu regardes le meuble, là, puis c'est le Nintendo, puis tu vois, puis tu dis. Moi, je torche, pis toi, en bas, ben, t'es avec un petit cul. Moi, je dirais, c'est surtout la durabilité de la console qui m'étonne le plus. Oh, ouais, la première NES a pris 26 ans à crever. Oh my god. J'ai encore la mienne. Elle a 24 ans, pis elle est en bonne shape. Qu'est-ce que tu as fait, Ben? Je pense qu'il y a eu un court-circuit chez nous, puis ça détruit tout le système électrique à l'intérieur. Ah, j'étais pas capable de rien faire avec. En plus, c'est par une bad luck. C'est vraiment été une bad luck parce que j'avais pas de power bar. Est-ce que ça se répare, ça? Sûrement, mais écoute, c'était pas comme changer les pins. Non, ben, c'est vrai. Ce que j'ai fait, c'est que je l'ai donné à un gars que je connais. Lui, il s'est monté un meuble avec des NES. OK. Il s'est mis des tablettes et des NES, puis le meuble fonctionne encore. Est-ce qu'on peut avoir une photo? Faudrait que je le repogne, parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Non, mais on veut voir ça, là. Oui. C'est vraiment, il s'est monté un meuble de NES, puis où est-ce qu'il met sa NES et sa télé. Oublie ça, là, tu viens de nous mettre la puce à l'oreille. Je vais essayer de retrouver ça. Je vais essayer de retrouver ça. On va y voler, puis on va toutes les réparer, puis on va toutes les revendre. On va faire de l'argent. Ce qui est fun de cette console-là, c'est que c'est facilement réparable. Mis à part mon problème à moi, j'étais vraiment pas capable de le faire tout seul, mais la NES que j'ai là, c'est moi-même qui ai changé les pins dedans. Parce que, bon, il faut dire qu'il y a un système dedans, que c'est des plaquettes qui retiennent ta console, qui permettent de faire une connexion entre la cassette et ta console pour partir le jeu. Et je l'ai installé moi-même la nouvelle pin. Ça n'a pas été si difficile que ça. J'ai suivi les trucs de Giger. Ça s'est super bien passé. Cool. Ouais, puis même qu'ils s'en vendent des neuves sur eBay, tu peux acheter un connecteur neuf sur eBay, tu démontes ta NES, tu te plugues le nouveau connecteur, puis là, ça fonctionne. Là. Okay. Mais vous n'avez pas besoin de faire ça. Hein? Comment on n'a pas besoin de faire ça? C'est rien qu'à prendre le connecteur, puis à redresser les pins, puis voilà, c'est fait. Ouais, mais... Ça prend juste un petit tournevis, puis juste tout fini. Ça prend 5 minutes. Mais la mienne est neuve pareil. Fait que tu... Puis de toute façon, pour le prix que j'ai payé sur eBay comme 6$. Ouais, regarde. C'est rien, là. Mais c'est sûr, mais en tout cas. C'est moins que le salaire minimum, là. Rendu là. Ben, je sais pas, à l'époque, j'ai déjà eu le salaire minimum de 5,60, moi. Fait que je sais quoi. Et voilà. Putain, ouais, t'as quel âge? 47 ans, man? De l'âge, j'ai 35 ans. Et quand j'ai commencé à travailler, c'était le salaire minimum, c'était 5,70, je pense. Il n'y a pas de même, ouais. Attends, c'était il y a 20 ans. Hein? Ouais, Colin. Ça fait longtemps, là, l'inflation. Ah oui, what's up? Dis-toi qu'il y avait encore dans ce temps-là, tu pouvais acheter une grosse bouteille de liqueur pour une pièce. Ouais, j'achetais un chip à 25 cents quand j'étais jeune. Dans ce temps-là, je me promenais encore en tricycle. Fait que je pense que t'étais même pas né quand il y avait des sacs à 25 cents de chips. C'est impossible. Puis il y avait des chips à poutine, puis hot dog. Sorte d'affaires bizarres. Ah, ouais. La grande ballon à la coke. C'était le temps du fluo. Oh, hein? C'est de merde. On change de sujet. Est vraiment retourné dans le temps. Là. On est vraiment rendu dans les années 80. Mais non, vous êtes de même aujourd'hui. Là. PL, qu'est-ce que le monde dit en ce moment sur Internet? Bon, ben depuis la dernière fois, il y a Gigiosti qui dit « C'est vrai que Paper Mario sur GameCube est excellent. » Il l'a presque fini. Le boss est chiant, qui dit. Fait que merci du tuyau. Moonwolf 53 dit « Un Earthbound Party chez Alpha. On doit-tu venir habillé en bleu, Alpha? » En bleu? Pas tout de suite, mettons. Ok. Peut-être demain, là, mais pas aujourd'hui. Ok, fait que... Tu veux t'habiller en bleu, petit conseil? Si tu étais bien en bleu, là, un petit conseil, tu pourras voir le film des Schtroumpfs, là. Habille-toi en bleu, je pense que tu vas être concept. Ben. Et alors, il y a Sébastien Corbeil qui dit sinon quelque chose de que je trouve assez intéressant. Les développeurs chez Atari étaient des poteux. C'est vrai! J'étais en train de lire la biographie de Steve Jobs, puis tu te rends compte que Steve Jobs, quand il travaillait là, le plus clair de son temps, il allait avec le boss pour aller fumer du joint et aller prendre du LSD. Oui, en tout cas, Atari a raté leur chance, en tout cas. Ah oui, ils ont vraiment manqué. Autre chose? J'ai aussi qui dit qu'on veut voir la vidéo de Alpha. Écoute, j'ai l'intention de l'utiliser un jour pour un épisode. Fait que, désespère pas là, vous devriez réussir à voir ça un jour. Un jour? Oui. Non, mais il faut que ça fitte dans un épisode quand même. On peut pas le plugger de même juste pour le fun. Il y a Lloyd qui dit « J'avais un voisin qui avait la NES, je squattais tout le temps chez lui pour jouer à Super Mario Bros. 3. » T'as compris le principe. C'était ça le but dans le temps. Hein? Oui. Et même chez Marie-Lune, c'est ça qui se passait. Elle avait une Super NES, tout le monde allait squatter chez elle. C'est vraiment Marie avait des amis. C'est comme ça. Donnez-moi un instant, Marie veut l'expliquer. Ça sera pas très long. Normalement, elle n'est pas dans le show à soir, mais là, elle a vraiment envie d'embarquer là-dessus. Vas-y, Marie. En fait, la gang, ce qui se passait, c'est que je suis la seule à avoir une Super Nintendo sur ma... dans la rue. Fait que le monde venait, il savait que j'étais souvent dans le sous-sol. Il cognait dans les portes du sous-sol, dans les fenêtres du sous-sol pour me dire « Je peux-tu les jouer? » Mais c'est souvent comme ça que ça se passait. C'était toujours comme ça. Non, mais c'était-tu de la bombe quand c'est sorti Super Mario 3, on s'entend, là? Oh oui, c'était... quelque chose, puis moi j'avais la version japonaise avec un adaptateur. C'était encore plus tough. Je l'ai encore cette affaire-là. Ah, mais c'était pas pareil qu'acheter la version américaine dans son package, là, puis sortir de distribution consommateur avec, là, puis tous les enfants qui t'en regardaient en tour, puis de Wow, t'as acheté Super Mario Bros. 3! Respire rétro. Je te comprends, j'ai eu la même affaire quand j'ai acheté ma première copie de Ocarina of Time sur 64. Tous les gens me regardaient avec les grands yeux. Ocarina of Time, c'est vraiment le meilleur. Bon. C'est discutable. Oui, je sais. sinon, pas ça. Lloyd nous dit que pour la petite histoire, Nintendo avait fait le design de la NES à l'arrache pour la montrer à Miyamoto parce que tous les designs ont été refusés par Miyamoto. Ça se peut, je t'avoue que je ne suis pas au courant. Fait que Miyamoto serait vraiment d'une sévérité dans le fond, typique. Toutes choses considérées. J'ai un petit peu de misère là-dessus parce que je sais que Miyamoto était pas si haut que ça à l'époque. Fait que je t'avoue que j'ai des doutes. Attends, c'est pour la Famicom, ça, parce que... Puis si on parle de la couleur de la console, les couleurs de la console Famicom, tout le kit, ben, c'était une question que ça coûtait moins cher, le plastique rouge. De toute façon, Miyamoto, même dans le temps, c'était pas il était pas posté en tant que directeur de design ou un truc de ce genre-là, Nintendo. Il était juste il était créateur, il était réalisateur, mais il était pas monté si haut que ça, là. Non, pas dans ce temps-là. Non. Il n'avait pas rapport avec la console du tout, là. Non. Je pense qu'il a commencé à toucher une première console, genre à 64, c'est lui qui a designé la manette. Fait que non. Là-dessus, j'ai des doutes, mon ami, je t'avoue. Ok. Sinon... on va continuer. Ben oui. Un kit de départ NES. Mettons, je suis un jeune de 16 ans, j'ai envie d'acheter une NES. Ouais. Comment je pars mon but? Comment je pars ça, selon vous autres? Tu t'en vas sur Kijiji, puis tu demandes à quelqu'un de venir t'en livrer une. Mais tu vas en trouver une pour quoi? Combien tu payes d'habitude? 50$ gros max. Tu sais, au-dessus de 50$, ça commence à être cher. Puis je dirais que pour 50$, c'est généralement, il faudrait que tu aies les manettes, notamment toutes les fils, et quelques jeux juste pour insister à te faire payer 50$. Oui, c'est certain qu'à 50$, il faut que tu aies le kit complet et que ça fonctionne. Mm-hmm. Au-dessus de ça, là. Sinon, il y a aussi l'argument des pawn shops. Faut que les pawn shops. C'est sûr. Écoute, ils vont vous charger le total. Là. Ça va être bien plus que 50$ pour le kit. Là. Non, si tu sais où fouiller, c'est encore drôle. La question demeure, est-ce qu'on peut vraiment leur faire confiance? Confiance à Nintendo. Confiance à qui? Au One Shop. Non, oublie ça. Là. Et voilà. Non, parce que même eux autres, ils te le disent, pas de garantie, puis... Alors, ben, c'est sûr qu'il n'y a pas de garantie là-dessus, mais même là, ils vendent des prix de fou, là. Tu peux trouver ça moins cher ailleurs. Ben oui. Tout à fait. Meilleur temps, là, pour moi, là, tu vas dans les ventes de garage. Dans ce temps-là, c'est là que tu vas le pogner moins cher. Puis, si tu en veux vraiment une, tu check sur Kijiji. Je pense que c'est la seule place réellement. Tu auras peut-être des bonnes chances de payer pas si cher que ça. Ouais, c'est vrai. Mais en magasin, à moins que tu connais bien le gars ou tu t'en vas l'acheter. Comme moi à l'époque, j'ai encore mon magasin que je sais où je vais avoir toujours des très bons deals. Si je vois là, je suis sûr qu'ils vont me faire un excellent deal pour la console, mais sinon tu vas pas en magasin. Oublie ça, va même pas chez comment ça s'appelle le petit magasin que je déteste là? Ouais, Game Buzz. Va pas chez Game Buzz, va t'attendre avec un. Pas. Surtout il va pas. Il va te la vendre 120$. C'est pas plus? Ah, ça se peut que ça aille plus. Ça se peut fort bien. Ta boy. Ou sinon. Non, pour ça, Game Boss, on sont très prétentieux. Honnêtement, là. Oui. Moi, là, mon rêve, là, si je gagne le million, je prépare une chaîne de magasins de jeux vidéo où je vais faire comme la grosse compétition à Game Boss juste pour faire comme. Moi aussi, je suis capable de les vendre pas cher. Bon, ton million va passer vite, Ben. Je veux pas péter ta ballonne. je fais mon rêve en ce moment. Ils vont juste te regarder et ils vont rire de ta gueule. Je pense que c'est ça qui va arriver. Si vous connaissez moyennement l'électronique, là, achetez-vous un lot Nintendo brisé et réparez-les. J'avoue. Bon, c'est sûr. Ça coûte pas cher. Sur eBay, là, t'as des lots des fois de 3 ou 4 Nintendo là, qui disent qu'ils marchent pas pantoute, là, qu'il n'y a pas de power ou truc machin. Là. Mm-hmm. Mais ça, c'est souvent une fuse, un truc machin, il pété dedans. Ça, ça change. Okay. Ouais, ça, c'est pour quelqu'un qui s'y connaît. Là. Mettons quelqu'un qui commence, qui a jamais joué. Non, mais quelqu'un qui s'y connaît et qui veut commencer pareil à jouer à ça. Là. S'il connaît l'électronique, il est capable. Ouais, c'est ça. Côté périphérique, est-ce que vous en souvenez des... La variété de périphériques qui est sortie à l'époque. Le NES Advantage! La NES Advantage. J'en ai une ici dans mon garde-robe. La NES Qu'est-ce que c'est? Turbo, qui, dans le fond, c'est quand tu y penses, c'est la base des manettes typiquement bananes des jeux vidéo. Tu parles de la version qui était sortie avec le Top Loader? Excuse, pas le bon. Turbo Ben. Ok, la première turbo avec le slick, avec le, voyons, la croix directionnelle qui était comme slidée, là. Ça ressemble pas mal au pad d'une 3DS, là. Genre. Ouais, ça ressemble à ça. Comment ça s'appelait, ça, déjà? Turbo, Nintendo Turbo. De mémoire, c'est ça, là. J'en ai jamais eu une, faudrait que je m'en pogne une. Sinon, à part ça, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre comme périphérique? Le Power Pad? Le NES Advantage. NS Advantage, que c'est un, on n'a pas dit c'est quoi, c'est un stick de comme arcade finalement. non, je voulais dire. Branches. Excuse, je voulais dire le NES Fast Car. C'est quoi ça? C'est la plug pour mettre 4 manettes. Ah, la satellite? Non. Le... Ah, ben ça s'appelait ça, satellite? Je pense que c'est NS Satellite. Non, je pense que c'était Force Core. Oui, c'est Force Core. NES Satellite, c'est autre chose. Ah, je me suis peut-être trompé. Ça, je peux fort bien. Oui, non, la NES Satellite, c'était pour mettre 4 manettes, mais avec un truc infrarouge. Là. Ah, ok. Ah, ouais, une espèce de truc à distance, là. C'est ça. Il y avait aussi la manette Duck Bone Controller. Oh, c'est pour le Top Loader. Ça, c'était pour le Top Loader, celle-là. Ouais. Ah oui? Ça ne fait pas sur... Okay. Oui, ça fonctionne. Oui, c'est juste le modèle qui est différent. Ça ressemble plus à un os de chien. Ça a sorti pour la NES2. Ça. Pour la NES2, ok. Mais elle fonctionne sur la NES1. Ben oui, c'est la même plug. C'est une très bonne manette, sérieusement. Je l'aime un petit peu plus que la première NES, juste parce que vraiment elle est arrondie, donc elle est un petit peu plus confortable si tu joues plus longtemps. Elle est aussi grosse qu'une manette de Super Nintendo parce que c'est sorti après. Mm-hmm. Tout à fait. Ah, oh, c'est ça l'histoire. C'est ça le but, c'est que ça soit aussi confortable qu'une manette de Super Nintendo. Puis elle a réussi, sérieusement, c'en est une que je veux avoir aussi. Je l'ai jamais essayé, mais je t'avoue, ma bonne vieille manette de NES carrée, là, elle fait la job, là, keep it simple, puis regarde, il y a tout ce qu'il faut là-dessus. Tout à fait. Un Power Glove? Power Glove? Ouais, c'est Power Glove. On a tout... Étant jeune, j'en voulais un à cause des publicités. Le jeune, à la télé, là, quand tu checkais la publicité, là, il y avait de la hot. Now you're playing with power. Yeah. Je lance une balle sur le mur. Now you're playing with a piece of shit. Et voilà. Tout à fait. Nice. J'en ai un ici, mais j'ai pas les capteurs. Puis ça me fait de quoi? Parce que si jamais je n'ai pas un capteur, je pense que je fais un party à 4. Ou 4, là, puis on se torche cette manette-là. C'est drôle, hein? Tout, on va tout broyer. J'ai vu les capteurs récemment. T'as vu les capteurs? Je sais plus si c'est sur eBay ou sur Kijiji, justement. Fait c'est 40$ sur eBay. J'ai checké, c'est 40$ les capteurs. Je pense que j'ai trouvé pour 6$. C'est bien ça le pire. Non, ça a monté, je suis sûr de ça. Faut que je recheck. C'est le début du motion control pour Nintendo. Mm-hmm. C'est ça, c'est fait. Là, les gars, vous me décevez. Pourquoi? Vous me décevez. Il n'y a pas un dans le game qui est encore nommé le Zapper. Très mémorable, mais exécrable, Rob. Rob, ok. Un gros jeu avec, je pense. On y arrivait. J'ai jamais vu fonctionner ce cossin-là, mais ça a l'air tellement mauvais. C'est de la merde. Si vous, en tout cas, la seule façon de vraiment voir à quel point c'est comment ça marche et à quel point c'est de la merde, là, ben, AVGN, là. Ouais. Fait ta vidéo là-dessus, c'est meilleur. Ouais, c'est ça, c'est pour sa 100e vidéo, si je me rappelle, là. Je pense que... Entre autres. Mais en tout cas, si tu veux vraiment voir de quoi ça ressemble, là, quand ça joue, c'est exactement ça. Moi, j'en avais un quand j'étais jeune, puis je peux te garantir que jouer Gyromite avec ça, c'était de la merde. Je finissais juste par prendre la deuxième manette, puis gosser avec. C'est quoi l'autre jeu? Stack Up? Ouais, c'était la COP, puis t'en avais pas un autre, mais ça. Il y en a un troisième, mais troisième, deux. Il y en a deux ici. Ah, c'est vrai, il y en a deux, ouais. C'est quoi le troisième? Non, ça, j'essaie de me rappeler. Je sais pas. Fuck. Hey, la gamin, que... non. Il me semble qu'il y en a juste deux. Il y en a juste deux. Wow. Il y en a fait deux. Ouais, puis Stack Up, me semble même elle est super rare, cette cassette-là. Hey, c'est-tu cave, un petit robot, là, le gros gadget dans le temps, puis ça marche avec deux jeux. Big deal. C'est ça, c'est juste ouais, deux jeux. Les Nintendo sont bons pour faire ça. T'as pas remarqué? Ah, il y avait le tapis aussi, hein? Le Powerpad. Ben ouais. Ça servait à rien, ça. Ben non. Ça servait pour track and field, je pense. C'est doux, genre. Non, il y avait un jeu de danse aussi. Il y avait un jeu de danse. Hein, un jeu de danse, c'est obscur, mais il y avait un jeu de danse. Ça peut, faut que j'aille chercher ça. NES Dance Game. J'ai bien la misère à te croire, sérieusement. Il y a aussi peut-être deux jeux, mais. J'ai hâte de voir ça. Il y a un jeu d'aérobics, ça s'appelle Dance Aerobics. Bon, ben c'est ça. Ah. Ah, n'importe quoi. Non, c'est n'importe quoi. Je suis étonné moi-même que je puisse me rater de ce détail-là, OK? On est tous sur le choc. Tu m'étonnes. C'est pas dans le monde qui a eu le PowerPad. Là, non, c'est incomprend, puis ça marche pas. Dance Aerobics sur NES, puis c'est une cassette officielle, là. C'est pas un custom-made ou de quoi, non, le genre? C'est officiel. Non, c'est officiel. Dance Aerobics qui est sorti en Amérique du Nord en mars 1989. J'ai jamais entendu parler de ça. Moi non plus. Merci, Antithèse, grâce à toi et ta connaissance de trucs obscurs. C'est un jeu de Bandai à l'origine au Japon puis qui a été publié par Nintendo en Amérique du Nord. J'aimerais mettre au clair que c'était un putain de flash d'acide à sort. Si, bol. Toi, tu t'en sors des affaires. Faut que je te l'accorde. C'est vraiment quelque chose. PowerPad. Il y avait aussi le Zapper. On veut pas, c'est celui que quasiment tout le monde a eu. On a joué comme à Duck Hunt. Probablement, on voulait tous tuer le Stitching. Ouais. Parce qu'il me tapait trop ses nerfs. Mais quel autre jeu qu'il y avait avec le Zapper, vous en souvenez-vous? T'avais Hitman. T'avais Wild Gunman. Ouais. Hogan's Alley. Operation Wolf. Operation Wolf que j'ai joué. Ish. C'était quelque chose. Hogan's Alley. On va le dire quatre fois avec quelqu'un de mentionne. Oui, c'est beau, tu l'as. Adventure Bayou Billy. T'avais des stats avec le gun? Il y avait le jeu de paintball. Oui, c'est vrai. Et le fameux Baby Boomer. Baby Boomer? Baby Boomer? Ouais. C'est quoi, fait par Color Dreams, mes amis. Ah, oh, non. Baby Boomer. C'est Color Dreams, c'est les cassettes bleu poudre. Ouais. Ah, OK, c'est des cassettes non officielles. C'est ouais, ça. C'est ça. Mais eux autres aussi, c'était des poteux, la gang de Color Dreams. Ouais, c'est... Quand ils ont sorti leur jeu chrétien, je peux te dire qu'ils étaient sur le pot. Oh my God, ils ont sorti 189. Color Dreams. Oh my. Le développeur, ben c'est une personne qui s'appelle John Muir. Oh my God! Vous vouliez un show sur la NES, je vous dis, je pense que ça va être le show le plus complet possible. Mais il y en a un autre aussi, jeu de zapper, que j'aimerais vraiment essayer d'ailleurs, puis merde, le nom m'échappe. Ça ressemble à... Non, c'est pas ça. C'est-tu Gunshoe? Non. Gotcha, The Sport, Mechanized non. Attack, Shooting non. Range, Freedom non. Force, To the non. Earth, Laser Invasion. Non. Chiller. Oui! OK. C'est ça. C'est quoi ça, ce jeu-là? J'aimerais ça l'essayer, ce truc-là. Chiller. Je le sais pas. Il paraît que tu peux jouer avec deux zappers en même temps, puis ça, je trouve ça a l'air vraiment badass. Effectivement, mais comment ça marche? Je sais pas, je sais pas. C'est up to two players alternating turns. Ah, partout. Ah, bon. Sinon, moi, je me rappelle du bras de... Voyons, pour jouer à la Top Gun, là, la sorte de manche à balai. Ça allait mal. Il me semble que IGN, il avait dit, puis ça commence à marcher, c'est juste un bout de plastique, puis il réussit quand même à faire de quoi avec. Lui, il montre le U-Force. Moi, c'était un manche à balai, c'était vraiment un manche à balai comme si c'était un avion, là. Ouais. Non, lui, il montrait le U-Force avec où tu pouvais jouer sans manette. Oh, le U-Force, ça a l'air pas bon, ça. Ça a l'air vraiment pas bon. Ben, il fallait bien qu'il commence à quelque part. Je veux dire, la Wii, c'est pas faite du jour au lendemain. Non, c'est ça. C'est sûr. Puis... la Wii ne s'est pas bâtie en criant « Lapin, je ne boirai pas de ton eau. » Oh my God. Lapin, je ne boirai pas de ton eau. Marche pas. Sinon, on regarde rapidement le casque. Comment ça s'appelait le casque, là, où tu disais... Fire! Ouf. You can say anything! Il y en avait-tu des patentes à NES quand on y pense? Ah oui, c'est ça. Ben... non, mais c'est vrai, mais c'est là que Nintendo recherchait son argent. C'est d'aller avec les gimmicks. Vrai ou faux? Ben... il n'y avait pas vraiment besoin de ça, c'était avec les licences. Là. Ouais, je me dis qu'avec la Mario, Mario 3, ils ont réussi à en faire pas mal d'argent. Ouais, ça c'est clair par exemple. Ils mangent dans le cash Nintendo, là. Ils sont pas dans la faillite. Là. sinon, on va jaser surtout des cassettes, parce qu'on se rappelle surtout des jeux. Mais avant tout, on va aller voir un petit tour. On va faire un petit tour avec nos fans sur YouTube et sur Twitter. Ouais. Ouais, qu'est-ce que ça se dit? Et je vois qu'il y a beaucoup, beaucoup de monde qui nous jase. Et on touche au sentiment nostalgique des gens, là, c'est bien sûr. Tout à fait. Nostalgie, prends soin de nous. Benoskeas dit, le jeu de sport qu'on devait courir, c'est ça, c'est celui, c'est ça son plus beau souvenir de la Nintendo. World Class Track, là. Track and Field. Merci, Track and Field, excusez. Vraiment? On n'a pas eu toutes des enfances faciles, le rétro. Ok, là. C'est vrai, j'ai compris. Autre chose, PL? On fait un petit plug à nos associés par l'entremise de Moonwolf 53. Que Giz, il mentionne que Giz a essayé le jeu Baby Boomer. Fait oui. Que ça va être intéressant. De savoir. The Lone Ranger, c'était un des jeux sur NES qui fonctionnait avec le Zapper. The Lone Ranger. Ouais. Je me rappelais pas en tout. Ah, puis tu vas tout avoir les jeux sur Wiki qui sont sortis avec ça. Parle de ça, ben, David Bono qui dit Color Dreams. J'avais Captain Comic. Oh my god, c'était mauvais. Mes compliments au nom des accros, mon cher David. Pas mes compliments, mais mes condoléances. Ouais, parce que les jeux Color Dream, j'en ai déjà essayé un ou deux, puis c'était vraiment mauvais. Ah, mais... quand tu regardes, tu sais qu'il y avait des jeux, des fois, que Tengen sortait, puis tu dis oui, c'était des portages, mais en même temps, tu sais, réussir à sortir certains jeux qui étaient à l'arcade sur NES, l'idée était bonne, tu sais. Parle de ça, ben écoutez, ça discute beaucoup de à propos du jeu Chiller. Comme quoi, c'était un des premiers jeux gore et un jeu de torture, toute la patente. Fait que, apparemment, on a quand même éveillé des petits souvenirs à propos de Chiller. Il y a Maxime Duclos qui a fait une liste de tous les jeux qui se jouent avec, si je ne m'abuse, le Zapper. Fait que ça, merci Maxime pour ta contribution. Merci beaucoup. Fait que, mais je pense qu'on les a pas mal dit. Fait que... ah! Méthode Cobra qui est dans les accessoires qui nous rappelle la fameuse. C'est pas vraiment Nintendo, je pense que c'était plus de Konami. Veuillez me corriger si la gagne pour ça. De quoi ça? Le Rolling Rock! Le Rolling Rock! Rolling c'est Rock. LGN qui a sorti ça. Ouais, c'est pas ça, LGN, ouais. C'est LGN qui a sorti ça. Pour aucune fucking raison. C'est quoi ça? Je me souviens pas. Le Rolling Rock. Ouais, ça fait une sorte quoi? De planche avec un gros ballon au milieu. Puis pour avancer le personnage, il fallait comme tu penches d'un bord ou d'un autre. Ouais, ouais. Et, le VGN l'a montré. Tu sais, il avait mis son chat dessus, là. I'm using the rolling rocker. I'm drinking a rolling rock on the rolling rocker. Fait que, ouais, c'était très très mauvais, mais en tout cas, j'ai pas joué dessus, puis je jouerai jamais dessus, parce que de peur de briser, un, la machine, puis deux, me péter à la gueule. Ouais, c'est sûr, Nintendo, certain, c'est pas les couleurs de Nin. Fait que, merci tout le monde, on va aller, on va jaser finalement des cassettes, puis je vais vous demander à la gang, entre-temps, de vous préparer des listes de 5 jeux absolument que vous devez avoir sur votre console NES. T'es sérieux, là? Ouais, je demande à chacun, ceux qui sont live sur YouTube, de le faire, votre liste de 5 jeux, inscrivez-la nous. Et attends, autres, tu demandes-tu à tous les fans de faire ça, là? Je vais demander à ceux qui nous écoutent live présentement. Ceux qui ont leur temps. OK, ça va spammer en outil. C'est correct. Regarde, on est écoute, là. Écoute, s'ils sont 10, ça fait 5 ans. Man, OK. Moi, mon top 5 est déjà fait dans mon dernier vidéo. Okay. Ouais, mais tu vas faire si tu nous le répètes. C'est quoi? C'est-tu Megaman 2, 3, 4, 5, 6? Non, t'as vu mon dernier vidéo, tu vas le savoir. Ben oui, je l'ai vu, mais man, moi j'ai une mémoire de 3 secondes et demi. Je vais te demander de l'expliquer d'abord. Expliquer quoi? Explique-moi tes choix. Pourquoi t'as mis tes jeux en... Pourquoi ton top 5? T'as pensé quoi mon top 5 de jeux? Hey, Tom! OK. Non, mais je sais c'est quoi le 1 puis le 2, mais je me suis... Attends, 1, 2, 3, j'ai pas... Jusqu'à maintenant, Megaman 2, 3, 4, 5, 6. Non, j'ai essayé. Les trois premiers, je m'en souviens exactement c'est quoi. Le premier, ben, c'était Dragon Warrior 3. C'est Dragon Quest, là, c'est pas évident. Mm-hmm. Pourquoi tu l'as mis en première place? Ben, parce que, de un, Dragon Quest, le premier, c'était mon premier RPG à vie que j'ai joué. Puis en plus, je l'ai eu gratuit Nintendo Power. Puis, ouais. Ben, j'ai acheté le 2, puis le 3, puis le 3, ben, il topait toutes les deux autres avant. Puis, j'ai rejoué. Là. Je l'ai repassé, je pense, 40 fois, ce petit jeu-là. Ça, c'est certain que c'est mon premier. Là. C'est le meilleur RPG que ça a NES, à mon avis. Là. OK. En 2, je pense que tu avais mis Megaman 2, si je me souviens. Megaman 2, c'est ça, c'est pas besoin de dire quoi que ce soit là-dessus. C'est Megaman 2, là, testeur. Hein, oui, t'es assez d'accord. C'est ça. Megaman d'accord. Qu'est-ce que tu veux, je rajoute. Tu sais, il n'y a rien à réussir, c'est Megaman 2, d'attitude. C'est ça, la seule raison que tu as besoin. C'est ça. Puis j'ai mis Castlevania 3 en troisième position. C'est vrai, il est très bon, le 3. C'en est un de mes préférés. C'est ça. Puis, c'est quoi les deux autres? Je me souviens plus. Je sais que Zelda, soit en 4 ou en 5. Là. Ouais, Zelda est en 4. OK, puis en 5e, c'était Guardian Legend. Ça, je connais pas ce jeu-là. Guardian Legend, c'était une vieille compagnie qui s'appelle Brotherbound, qui existe plus depuis un méchant bout. Ouais. Les autres, ils ont sorti de Guardian Legend, ben, c'était comme un jeu style un peu Zelda, parce que t'avais un top-down. Entre les missions. Puis les missions, ben, c'était un shooter. Tu pouvais jouer à deux en plus sur ce jeu-là, hein? Ouais, mais juste dans le mode shooter, mais le reste, c'est juste ça. Puis, Le mode avancé aussi, tu pouvais jouer à deux, non, non, non, non. Deux. J'ai jamais joué à deux là-dessus. La seule fois que tu peux jouer à deux, c'était dans le mode de shooter. Ok, tu m'étonnes. Ben, en tout cas, selon mes souvenirs, j'ai joué en Est, ce jeu-là, là, fait que... Parce que selon mes souvenirs, c'est ça. Fait que, dans le fond, tu ramasses des items, puis des power-ups, pour tout ça dans le mode top-down, puis après ça, tu fais des missions un peu partout dans le mode shooter, là, puis c'était cool. Puis les passwords, asti, c'était de la merde! Comment ouais. Ça? C'était long, en tabarnak, t'avais, je pense, 24 chiffres ou lettres à rentrer, là. Faut pas que tu fasses une erreur. Faut pas que tu fasses une erreur, t'es là. Puis, souvenez-vous qu'à l'époque, là, fallait vraiment qu'on écrive bien. Parce que si tu avais de la malchance de demander si c'était un E ou un C, t'étais dans le chenou. Oublie le projet. Puis une chose, il y en a des jeux, des fois, là, dans les saves, là, ils mettaient des bonhommes ou des dessins. Oh, là, t'essayais de répéter le dessin. Je te dis qu'ils voulaient s'assurer que tu ne l'ailles pas par hasard. Hein? Mais ça, c'est clair. Tout à fait. Vivement les ROM pis les Arrêtons 5. Bon. Non, il faut pas que tu dises ROM devant moi. ROM. Non. Je refuse d'accepter les ROM dans ma vie. Et les ROM and Coke? Le ROM? Non, mais c'est de la merde, le ROM. J'aime pas ça, les boissons fortes. Je vais y aller avec PL. Toi, oui. Ton top 5 de Nintendo, selon toi? Pas forcément dans le même dans l'ordre. Correct, oh ouais. En ordre. Tetris, mais la version de Tengen. Et pourquoi? Non, c'est, pour moi, c'était dans ce temps-là l'ultime Tetris. Où tu pouvais jouer à deux, où tu pouvais voir ta progression. Puis où qui t'avais le défi old school, les classiques de Tetris. Mais dans le fond, il n'y a pas plus à dire que ça. C'est fucking Tetris. J'ai pas d'en rajouter plus, je pense. Tetris! Non, écoute, c'est excellent comme jeu. Oui, Tetris, c'est ce qui a fait vendre le premier Game Boy à pu finir. Ben oui, c'est sûr, ça. Parle de ça. Je suis allé tenir une coupe avec ça. Battletoad. Ah, non, c'est excellent, ce jeu-là. J'adorais Battletoad. Ah, ouais. Je suis fier de dire que je passais mes samedis de matin à finir le jeu après une dure semaine au secondaire. J'ai jamais passé le level 2. J'ai jamais été capable de le finir. J'ai fait une couple de fois le tour de la cassette, puis qu'est-ce qui me purge, c'est que j'ai jamais pu enregistrer ça, parce que, oui, moi puis mon meilleur ami, on se faisait souvent d'enregistrer nos performances. T'as-tu enregistré la toune quand tu mettais sur pause? Quand tu reviens en passant. Bon, au moins, t'étais sûr que ta console renaît encore avec cette toune-là. Quand t'as pas de save... Ninja Gaiden 2, c'est un de mes jeux préférés. Ils sont tough, les Ninja Gaiden. Tu vois, Ninja Gaiden, c'en est un autre qui, même si je jouais beaucoup, c'est un que je passais aussi mon temps beaucoup à faire le tour de la cassette. Parce que je voulais savoir si je pouvais pas faire finir les jeux plus rapidement. Fait que bon, j'ai déjà couvert 3. Naturellement, je vais copier un peu mes collègues en disant cependant. Mega Man 3. Au lieu de Mega Man 3. J'ai préféré le 3 un petit peu plus que le 2. Je ne peux pas nier que Mega Man 2, c'était un jeu important pour dans mon développement en tant que gamer. Mais Mega Man 3, je l'aime un petit peu plus que le Mega Man 2. Oui, il est excellent. Oui, Mega Man 3, c'est excellent. Et naturellement, écoutez. Quel fan incontesté de Nintendo rétro, de jeux rétro qui se respecte n'aimerait pas Castlevania 3 égal c'est Dracula Curse. Parce que c'est dur de faire un choix et je dirais ça avec une face une face straight là, une straight face. Je trouve ça dur de vraiment faire une vraie préférence entre le 1 puis le 2 parce que oui j'ai bien aimé Simon's Quest. Mais je suis obligé de dire que le 3, c'est lui qui avait le plus à offrir. Fait que c'est lui qui également offrait une plus grande possibilité de jouabilité. En tout et partout. Et de rejouabilité. Mm-hmm. Le 1, c'était comme genre straightforward. C'était ça. Très bon, c'était, là. C'était tough, c'était bon. Le 2, c'était comme what the fuck. Puis le 3, c'était oh yeah! Ils ont fait sûrement du dur parce qu'ils voulaient pas faire trop pareil. L'élément RPG, moi, ça m'a pas dérangé. Sauf que ayant avoué que naturellement, quand tu as 8 ans, 10 ans, si je n'ai pas un guide quelconque, écoute, le 2 est pas jouable. Non, c'est ça. Puis c'est pour ça que tu avais Nintendo Power dans ce temps-là. Woohoo! Yeah! Now you play with power. J'étais trop jeune pour avoir du Nintendo Power, désolé. Bouh! Je comprenais pas l'anglais anyway. Et c'est. Testeur, de ton côté? Bon, moi, j'ai failli être plate et sérieusement dire Mega Man 2, 3, 4 et 5. Mais. Je l'avais prédit! Écoute, moi, j'ai vraiment été marqué par les Mega Man. Sérieusement, je me suis forcé pour trouver d'autres choses, puis. Donc, dans mon top 5, j'ai retenu, dans le désordre, Mega Man 2, Mega Man 3, Mario 3. Là, attention, mes deux derniers, je sens que ça va être bizarre, là, mais okay. En tout cas, c'est ça pareil. Punch-Out. C'est bon. Non, c'était pas. Lequel? T'as peu. Lequel? Mike Tyson. OK, mais c'est parce qu'il y en a deux au NES. Bon, c'est vrai, t'as aussi avec featuring Mr. Dream, c'est vrai. Ouais, c'est quand ils ont rêvé. Ouais. Ils ont perdu le contrat avec Mike Tyson, il fallait qu'il fasse ça. Colin, j'avais aucun souvenir de ça. OK, puis mon cinquième, c'est là que ça va peut-être faire des débats, là, mais en tout cas, c'est ça pareil. Zelda 2. Sérieusement, c'est pas un mauvais choix. C'est pas un mauvais choix. Il est difficile, mais c'est pas un bon... Il est différent, il est assez différent. Difficile. Mais tu sais, les gens disent, Zelda 2, what the fuck, Zelda vu de côté, c'est quoi le problème? Non, non, mais dans le temps, là, c'était Zelda 2. Il y avait juste un Zelda avant, là. Fait que faire un Zelda de côté, c'était pas si bizarre que ça. Tu sais, il essayait, il découvrait des choses. Bon, l'histoire a montré que ils ont préféré garder le style du Zelda 1, mais moi, je m'excuse. Le Zelda 2, quand j'étais kid, j'avais bien du fun à le jouer, là. Ben, je l'ai jamais fini, on s'entend, là, mais... En fait... C'est vraiment bon, là. Ah, c'est sûr, mais en fait, le style du Zelda 2 est quand même pareil aux autres, parce que tu vas encore dans des temples, puis tu vas encore chercher des items, puis c'est le même principe, c'est juste les side scrollers. C'est ça, c'est plus plateforme, là, style... C'est sûr. J'aimerais juste mentionner que le bar Nacho Libre à Montréal, Giz a posté ça tantôt. Nacho Libre, ceux qui ne connaissent pas cette place-là, c'est un endroit où tu peux jouer au Nintendo en prenant un verre. Donc, c'est cool, c'est un bar cool. Et ils ont mis une affiche dehors qui ont dit « Cocktail gratuit si tu bats Mike Tyson sur Punch-Out sans code. » Ah, c'est faisable. C'est faisable, oui, oui. C'est très faisable. Je l'ai fait une couple de fois. Faut juste que tu sois ben expert à Mike Tyson Punch-Out, c'est tout. Ouais, faut juste que tu saches exactement quoi faire, puis comment, quand te baisser, puis connaître tous les personnages au complet, puis toutes les... C'est ça. Et un que je connais qui est capable de le faire, c'est CE. Oui, mais... Il est capable de le faire? Il est pas tout seul. Non, je sais. Fait que je sais où est-ce qu'il va aller se saouler bientôt. C'est une bonne idée. Tout à fait. Mais sûr que si t'es chaud, il faut que tu sois capable. Non, c'est ça. Tu vas réussir la première fois, là. Tu te rajoutes de la difficulté à chaque verre. Moi, de mon côté, ben, je vais essayer d'être un petit peu différent dans mes choix. Et je vous dirais que, oui, la plupart, c'est mes préférés. Mais ils sont assez différents, je vous dirais. Premier, dans le désordre encore une fois, moi et tout. Batman, sur NES. Non, moi, c'est je l'adore, ce jeu-là. Mais plus pour la musique. Elle avait un bon gameplay, mais la musique aussi était écœurante. La musique était malade là-dessus, mais le gameplay, je le trouve très bon, moi, sérieusement. Un petit peu court. Quand tu connais le jeu, là, il est court, mais il est le fun. Il est très fort. Regardez le prix, il est pas cher. Vous allez le trouver à ce prix-là d'habitude, 10$ pour un excellent jeu. Ben oui. Moi, vous savez, j'aime beaucoup les beat'em all. Alors, pour moi, Tortuga 2. Préférablement le 3. Si vous êtes capable d'avoir le Manhattan Project, je pense que ça s'appelle. Oui, mais il est rare en Chris. Il est rare en Chris. Ouais, mais si vous avez le 2, vous allez aimer ça pareil. Ben oui. Zelda, veux pas. Pour moi aussi, c'est un de mes préférés. Veux pas. Toi, t'es un gars à Zelda. Fait que moi, je suis un gars de Zelda. Oui. Je suis en train de rendre Marie folle à cause de ça. Là. Non. Marie, je t'interdis de virer folle à cause de Zelda. Zelda is awesome. Non, elle n'est pas folle, je la niaise comme ça parce que je joue souvent Zelda. Et ça ben. Hein? Ça ben. Eh oui. Final Fantasy 1. Je sais que c'est différent pour toi, rétro, mais j'ai encore un attachement. J'ai rien dit. T'sais. Non, mais je sais que t'es un Dragon Warrior guy. Moi, je suis un Final Fantasy guy. T'sais. Non, mais écoute, Dragon Quest a amené les RPG, puis Final Fantasy est arrivé après, mais c'est correct. C'est deux bons jeux. Oui, j'avoue. T'as vraiment raison, mais faudrait que je finisse Dragon Warrior 1. Je ne l'ai jamais fait. Ça va être dans mes jeux un jour. Et ben Mario 3, veux pas. J'ai deux copies à la maison, c'est ça qui est plus drôle. Une a été mangée par une maudite Yobo. N'achetez pas de console clone. Les Yobo. Le FC3 que j'ai ici, là, ma console Nintendo Super Nintendo Genesis. Là. Ouais. Faites attention lorsque vous tirez les cassettes parce qu'elle a réussi à m'en scraper une. Ok. Ouais, scraper toutes les pins. Ben, c'est comme, à ce temps, quand tu le rentres dans n'importe quel NES, là, elle va bugger après un certain temps. Ouais, tu devrais checker les pins. Ouais. Fait que, non, c'est ça, c'est pas... c'est mon Yobo qui a fait ça. Fait que je suis pas très, très, très content. Attends, de quoi... Moi, là, je m'excuse, j'ai toujours pas compris. C'est quoi un Yobo? C'est une console clone. Yobo, c'est une clone. Ok, mais... Qu'est-ce qui t'a... Yobo t'a scrappé quoi? Une cassette. À scraper ma cassette. Ouais. T'as, bon, non, je suis donc même, là, c'est une merde. Balance-moi ça au vidange tout de suite avant qu'il fasse d'autres dégâts. Il attend la rétro justement pour ça. Oui. Mais de toute façon, la Yobo, je la sors pas. La FC3, je joue une fois de temps en temps dessus. Mais la Rétro 5 est mon objectif pour fin août. Bon. Si on peut savoir quand est-ce qu'elle va sortir. Là, il parle de août. Ouais, mais il disait juin avant, puis après ça, ça a sorti juillet, puis là, c'est août. Là. Ouais, je sais. J'ai bien hâte de ça. On va aller voir les commentaires. Oh, pardon. Ouais, excuse, t'es antithèse. Ouais, je disais, il y a deux jeux que j'ai. Que ça me fait chier personnellement de ne pas avoir mis dans mon top 5, mais. Lesquels? Gradius. Gradius. J'adorais beaucoup Gradius. Et, bien entendu, Metroid. Ouais. Ouais. Mais je pense que Metroid, à cette époque-là, t'es pas encore rendu à son point où c'était bon maximum. Ouais, mais au pire que c'est un jeu 8 bits. Fait que pour un jeu de 8 bits, puis avec son codage et physique, c'était quand même assez. Ouais. Mais je crois que c'est plus Metroid 2 qui a vraiment popularisé Metroid. C'est des bâtards parce qu'oublie pas qu'il y a quand même eu un gap de 5 ans. Ouais. Metroid 1 a quand même connu une bonne popularité, juste pas au Japon. Et les Japs sont bizarres de toute façon. Ouais, non, les Japs sont hot s'ils font des Dragon Quest à pocheter. Et voilà. Quand même un Japonais qui a fait Mega Man. Oui. On doit tous nos personnages de NES quasiment aux Japonais. Fait que... On doit notre enfance aux Japonais. Quoi. T'as bien raison. Que ce soit les animés, les mangas ou les jeux vidéo. Fait qu'on aime les bizarres. OK? Oui. Sinon, on va aller voir notre monde sur YouTube. Qu'est-ce qu'ils disent? Il y a d'excellentes listes. De la part de nos fans. Mm-hmm. Je vois que Lloyd dit Charlie Circus. Mon Dieu. C'est un jeu. C'est vrai que c'était bon. C'est vrai que c'était bon. Mm-hmm. Charlie Circus, c'était le petit jeu qu'on trouvait, ces cassettes de 500 jeux où est-ce que tu avais un petit bonhomme, fait, tu le passes dans un. Oui. Ah, ok, des jeux de pirates. Okay. Déjà là, vous venez de me perdre. C'est bon. Mais c'était cool. C'était cool! J'ai jamais fait le tour, mais je trouvais l'idée fun. C'est tough, c'est très tough. Il y avait un bon challenge, c'est ça. Oui. Tout à fait. Sinon, on passe à PL. Maxime Duclos aussi qui mentionne. Rétro, tu vois le truc de l'ami, lui. Solstice. Time of Lore, Legacy of the Wizard, Dragon Warrior, donc Dragon Quest le premier, et Final Fantasy. Je connais pas Solstice ni Time of Lore. Solstice, oh my god, écoute, Benzai, Benzai, je pense, on a fait la review de Solstice, fait que c'est un genre de jeu RPG stratégique, mais qui jouait en diagonale. Ok, ok. Time of Lore, ça me dit quelque chose. C'était pas Rare qui avait développé ça? Non, je sais pas. C'est une fois j'ai checké. Sinon, Pain of Care. Je voyais que George 6 qui dit Legend of Zelda, Super Mario Bros., Super Mario Bros. 3, Contra, j'avoue, et Faxanadu. Faxanadu, ah oui, c'est ça torché. Perso, Faxanadu, j'ai un petit peu de misère. Faxanadu, je te dirais, faut être de la patience. Ah, mais attends. Faxanadu, c'est comme un Zelda side-scroller, là. Ouais. Je dirais un petit peu plus. Je dirais plus. Plus dans le Castlevania, quasiment. Non. Ça se joue comme. Zelda 2. Ouais, tu rentres dans des shops, tu achètes des affaires, des items. Ouais. Mm-hmm. Sinon, à part ça, méthode Cobra. Georges 6 qui dit. Ah non, Georges 10, on l'a dit. Tortue Ninja Arcade Game, méthode Cobra, Mario 3, Legendary Wing, Contra et Battletoad et Double Dragon. C'est vrai que lui était le fun. C'est vrai que lui était le fun. Il était plus facile. C'était plus facile, c'est ça. La version Super Nintendo était nettement supérieure. Ah oui, mais c'est la version Super Nintendo aussi, là. Regarde, tu peux pas. Tu peux pas comparer. Non, mais il y a des jeux, il y aurait des jeux qui pourraient pas être torchés dans des modes différents. Tu comprends-tu, tu sais? Mega Man 7, là, c'est. Je vais aller avec Pain of Chaos, Punch Out, Super Mario Bros. 3, Contra, Kung Fu et Double Dragon. Kung Fu! Kung Fu! Kung Fu! Mais j'avais la version Atari de ce jeu-là. Il y a une version Atari? Ben oui. Ben oui, ça existe. Bon, tu m'en apprends une bonne, sérieux. PL, je te laisse faire le prochain. David Forget avec Final Fantasy 1 et 2. Le 2? Il y avait la version japonaise, quoi. Comment? Il y avait la version japonaise. De Final Fantasy 2? Il n'est jamais sorti ça de sur NES. Ouais, c'est ça. Il n'est jamais sorti en Amérique du Nord, hein, puis ni en Europe, c'est pas ce que je cherche. Que tu tords, là. Que tu pourrais l'avoir, la Final Fantasy 2 version NES, qui est piratée toute la patente, mais quand même. C'est peut-être une, ouais, peut-être ouais, qu'une version pirate. Ah, mais on pourrait dire plus un jeu de Famicom, c'est pas un jeu de Nintendo. Non, c'est ça. C'est pas pareil. Juste Alice, je suis d'accord avec toi, David, c'est vraiment bon. Un jeu très méconnu, je dirais. C'est, ça, probablement, je vais m'en faire une critique un jour. Fais donc ça, oui. Mais c'est tellement bon, sérieusement, Crystalis. Si vous aimez les Zelda en vue de haut, vous allez aimer ça. Oui. Dave Bissaillon Forêt qui dit en ordre que c'est Mario Bros 3, Zelda, Mario Bros 1, Metroid et Castlevania 3. Très bon choix. Donc, voyez, donc avant qu'on continue, on peut même voir que la part des gens. On peut s'entendre pour dire que Mario 3 puis Zelda et les Contra, ça revient souvent. Castlevania 3 aussi, il semble revenir souvent. On peut pas mal dire qu'il y a dans les top 5, en général, t'as un jeu de Nintendo, un jeu de Capcom puis un jeu de Konami. C'est ça. Mega Man 2 aussi. Ça revient souvent. Mega Man 2, oui. Pour Rad Shit Knight, j'aime ton nom en passant. River City Ransom. Ça, nice. C'est fucking bon. Nice. Life Force, qui est la suite non officielle de Gradius pour Nintendo et Kali. Mais on peut le faire dans ce jeu-là. C'était Salamander au Japon, ça. Oui, exactement. Au troisième position, Super Mario Bros. 3, suivi de Mega Man 2 et The Legend of Zelda en dernier. Ouais. Et le dernier qui était fin pour me donner sa son top 5. Ah oh non, on en a d'autres après. Ils aussi. Faut juste que tu reflètes. Oh, da-da-da-da-da-da-da-da-da. Vas-y, Jerozy, je vais y aller après Claude. Ouais, déjà. Marie. En proposition pour Mario 3, celui de Dr. Mario, celui de Bubble Bobble. Hey, c'est un choix intéressant, pareil, Bubble Bobble. Ouais. Mm-hmm. Mm-hmm. The Legend of Zelda et Dragon Warrior 1. Wouhou! Très bon choix. Fait que quand même, comme on peut voir, comme on répète, il y a des jeux qui reviennent pas souvent, mais qui sont très intéressants comme choix. Mais on peut effectivement voir c'est quoi les grands favoris. C'est très intéressant. Moonwolf 53 dit Kirby, Legend of Zelda, Mike Tyson Punch Out, Mega Man 2 et Mario Bros 3. David Bono dit, je peux faire une parenthèse, parce qu'il a attiré mon attention. David Bono dit pas mal ce que tout le monde a dit, mais il y avait un jeu que je me souviens et c'était Power Blade, c'était awesome. Je confirme. Oui, c'est vrai, c'était vraiment cool ça. C'était cool comme jeu. Tout à fait. Très cool. Sinon, à part ça rapidement, on va finir ça bientôt. Mais sinon, on dit ici Final Fantasy 2 existe sur NES en version prototype. Et Maxime Duclos dit tu pouvais avoir FF2 ici car je l'ai en version import. Ouais, mais c'était un import, c'est ça, c'est un jeu Famicom, pas de NES. Ça, moi, j'essaie vraiment de parler. Cassette qu'on a eu ici, on va essayer d'aider les gens qui sont capables de qui ont été vendus en Amérique du Nord. Ouais, mettons. C'est fort possible. Donc, si tu savais les gens qui vendaient des jeux plus ou moins légalement, en fait, dans les Radio Shack jusqu'au magasin de cartes. Ouais, mais là, on parle de choses officielles. Là. On parle pas de. Ouais, mais le point, c'est que Final Fantasy 2 n'était pas un jeu officiel en Amérique. C'est ça. Mais ce genre de jeu-là, tu pouvais les trouver dans l'endroit des comptoirs, dans les mêmes Radio Shack, magasins de ce genre-là, jusqu'à même des magasins de cartes, je le répète. C'est assez hallucinant. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui a perdu sa business parce que il faisait ça. Il vendait des jeux qui n'avaient pas le droit de vendre. Fait que là-dessus, avez-vous un dernier mot à dire sur ce podcast de ce que vous pensez de la NES? Alléluia. La NES est la mort de ce qui est de ce qu'on connaît aujourd'hui, allant jusqu'à Wii U, PlayStation 3 et même Xbox 360. C'était pas de la NES. Je sais pas si les jeux vidéo auraient évolué aussi vite. Ouais, c'est bref, on faut remercier Nintendo d'avoir sauvé le gaming et l'avoir révolutionné pour avoir intéressé le public général à l'époque. Oui, ils ont reparti le bal carrément parce que c'était là, n'est-ce pas, après le crash, là, c'est la NES qui a réussi à renaître des cendres de toutes les autres consoles qui étaient là avant. Puis que... Ben, elle avait aussi une belle opportunité. Oui, ouais, non, mais il fallait le faire quand même. Là, c'était... Fallait le faire quand même. Ouais. Ils l'ont réussi avec brio. Oui, absolument. Là-dessus, Nintendo, qu'est-ce que vous voulez? Même si Nintendo disparaîtrait un jour, je dis ça de même, là, mais si Nintendo disparaîtrait, je pense que je vais toujours me rappeler de cette vieille console-là, puis je vais toujours me rappeler que c'est ça pas a été... fait, là, vous inquiétez pas, les boys. Non, je sais, mais je dis ça de même pareil. Je dis que c'est l'héritage qui reste. Nintendo faisait des jeux de cartes avant. Ouais. Il y en a encore sur eBay, je suis allé voir ça, c'est cool à revoir quand ça même. Ça date de 100 ans, tu sais. Ben ouais. Ils sont pas prêts de partir. Là-dessus, si vous n'avez pas de Nintendo encore, et vous êtes gamer, vous en payez une pas chère, allez-y. Vous n'allez pas le regretter pour 5 cents. Non, du tout. Et probablement que vos blondes, vos chums, vos amis vont tout encore se réunir un soir, comme à l'époque, pour jouer à la NES chez vous et à triper. Ouais. Bon, je vous avertis qu'au départ, il va peut-être avoir un temps d'apprentissage, là, parce que NES, ça marche jamais du premier coup, là. Mais un coup que vous comprenez l'art de faire fonctionner une cassette au NES, là, ça va bien aller. Au pire, faites comme Alpha. Tapez-vous votre tête avec votre NES sur le beat. Puis crachez dans vos cassettes, là, ça marche numéro un. Pas ça! Non, faites pas ça. Faites pas ça, please. Laissez les professionnels le faire. Voilà. Comme testeur alpha, il teste les jeux de marde pour vous pour qu'il n'y ait pas à le jouer. Me sacrifie, là. Mm-hmm. Tu le fais pour le bien commun. Ouais, ouais. Antithèse, comment on peut te rejoindre sur les internets? On peut me rejoindre par email. Par antithèse, antythese@yahoo.ca ou le gmail.com. Ou si on peut me rejoindre par Twitter pour lire mes stupidités et mes enneries, surtout à caractère politique, @antithese16SAYS à la fin. Mais la meilleure façon demeure et uniquement, je dois l'avouer, uniquement le site des accros des jeux. Alors, on peut me rejoindre sur accrodesjeux.com/forum. Inscrivez-vous, joignez-vous aussi à notre bande de jeux lurons, et vous allez voir, c'est un plaisir assuré qui vous attend. Retro Gamer, comment on peut te rejoindre sur les internets? Principalement par le site accrodesjeux.com, sur ma page Facebook de Retro Gamer PQ, ou par YouTube. Là, je réponds pas souvent à mes messages parce que... C'est ainsi, j'ai pas le temps, mais je vais essayer un jour de répondre à quelques messages. Tester Alpha, comment on peut te rejoindre sur les internets? Ben, c'est comme vous voulez. Vous pouvez me trouver sur Facebook, sur Google+, sur YouTube, sur, évidemment, le site des accros des jeux. Je fais mon tour quotidiennement sur le forum. Ou encore une fois, sur le site www.testeuralpha.com. On a notre propre forum, puis j'ai mon compte là, donc c'est une des autres façons. De mon côté, il y a plusieurs façons de pouvoir me contacter. Il y a le Facebook des accros des jeux. J'attends le 260 j'aime et je fais tirer une copie de Cave Story Plus. Donc, allez liker la page sur Facebook. Sinon, il y a le forum des accros des jeux. Je passe à tous les jours pour vous montrer des petites exclusivités. Je vous conseille d'aller voir. Il y a en ce moment un sondage que je fais. Et j'aimerais ça que la gang puisse aller voir et répondre à ce petit sondage que j'ai préparé. C'est un, je m'occupe du Twitter des accros des jeux. Et donc, c'est @accrosdesjeux. Si vous voulez m'envoyer un courriel, c'est accrosdesjeux@gmail.com. Pour ce qui est de mon Facebook personnel, je n'accepte personne. Et Marilyn également. Et j'aimerais ça viser une personne en particulier qui s'appelle Monsieur Charles Mavis, qui dit « Greeting, you look so beautiful. How old are you and your family? How was your weekend? Cheers! » Désolé, Marilyn et moi, on n'accepte pas les invitations de ce genre-là. Même si tu nous crouses, ça ne nous intéresse pas. Fait que, merci beaucoup d'avoir été à ce podcast des accros des jeux spécial NES. Soyez là la semaine prochaine, les accros, parce que c'est très important. C'est le dernier show avant deux semaines de vacances. Et pour ce spécial-là, on va jaser avec vous autres. Comment ça va fonctionner? Ajoutez-moi dans Google+. Mon nom, c'est Benoît Mirandet. Rajoutez-moi, on va prendre vos questions une personne à la fois et on va pouvoir vous répondre de même live durant le podcast. Et si ça dépasse, par exemple, je joue kick automatique là-dessus, j'ai un pouvoir discrétionnaire. Fait que si vous voulez participer au show de la semaine prochaine, ajoutez-moi dans Google+ et on va jouer avec vous autres la semaine prochaine. Ah, si je peux me permettre, petit truc de Georges Sif, alors merci Georges. N'oubliez pas la réunion du CCJVQ samedi le 13 juillet. Oui, je vais peut-être aller faire un tour. Moi, je suis pas sûr. Samedi le 13. Colin. Non, c'est ça. Colin. Parce que eux autres, ils font des réunions à chaque... Trois mois, mais en même temps, la dernière fois que ben et moi on a été, c'était il y a 6 mois. Ouais. Mais vous trouvez des deals, c'est ça qui est le fun là-bas. Le monde échange leurs jeux, puis... Non, c'est vraiment cool. Fait que c'était le Big Ben. C'était Antithèse. Rétro Gamer PQ. Et Tester Alpha. Pour le podcast des accros. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. À la semaine prochaine. Bye bye. Salut.